Kati la Cheyenne, Kati Cheyenne. Sotolingo lobela mokolo, il faut tourner. Lolemo cette fois, nanga pona lobelo, je t'aime à demi-tour, pamba na lobibele. Oh, pesa moto motema, il faut attendre. Et couille baye. Motema, sans condition, mon cœur est à toi. T'as la vie à ma point stratégique, qui a motema, non, comment? Atmosphère à présent, la yoga qui m'avait dans le paradis. Ventilateur spécifique, ma tige de soupir. Où ça t'est la yoga, caca, qui est pour moi. Margot Ibata. Je connais la yoga, une bonne note, mon décilis à Kango. Souffrance, tanga, katika, et une autre, c'est l'issa Kango. Quand elle est musique, avec katika, et une langue, mon thème. Koroba, comme ma belle, pas l'été, pour les amours d'indo. Il est courant de connage. Mon vieux papa sort au bénin. Tito Awetimbi, bambino de sombre. Le ciel a ma bataille, auquel a fait le quadrasoua, car on a vu foi zali mumu peraza na kanamera na mwabaka leli soli mfarapa mama na mwiki na uga ripitrisho kati angela na chacha ngo instance na tonjo le sombre mwisto wa kasa nila kame kwa ya mesi ataka kunyake na pela mora katika yene na dunda ye basusu vanyika katika lansatu katika yena zayanga ye kile iskeri yena riena na nalise nazu katika yene na machela ye bia mwagiri wa mipatoni Diego Song. Tango todo la canaga, nada que le como te la reta, recatre. O tango con la coque, nera la que se yo era bre. O sana muy eco, que le lleva la ley para el mundo. Catica y en el bote, catica y en el secret. Catina y en el pete, la buena banzube. Su frase ya va a ascender, nada le quita te. Bubuli un milagro, le quita te. Que le dice Mili pili kote zwa gamete ya kakaki kati wa mboge wakati wa mboge belade ya sima raviri rami batoli santini mbobila raviri rami batoli tenda wela rena minata malubu mboka moshini kodi ya mboka